aujourd'hui, le 25 février 2019. Oh, monte le volume et hume la différence, car c'est parti mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Comment ça va chez vous? Eh, pourquoi on n'a pas 5 vies? Ça ferait du bien. Ça ferait du bien 5 vies parce que tu pourrais les diviser. Ah, là, moi, actuellement, là, j'ai 100 000 choses à faire. Puis là, vous me dites, ah, ben là, t'es devant le micro, puis tu fais ton émission. Ça fait partie de mes activités que je dois accomplir avec plaisir, comme la majorité. Mais là, depuis quelques mois, depuis pour plus précisément le 30 décembre 2018, je travaille dans une station communautaire, mais pas à Québec, à Tête à la baleine, qui s'appelle CJTB. Je suis co-directeur de la programmation musicale et je fais aussi deux émissions. Et Errance Rénadienne est diffusée là-bas. Salut à mes amis de Tête à la baleine. J'espère que tout va bien. Là-bas, j'ai des émissions exclusives, donc une qui s'intitule Le temps d'une chanson et la deuxième Exploisie. Et j'envoie aussi des musiques, des disques, des chansons, des mix sonores, puisque c'est moi le co-directeur de la programmation musicale. C'est beaucoup de travail et j'ai un emploi aussi que l'on nomme souvent. Emploi, quelle sorte d'emploi que tu fais, toi? Je le dis, c'est pas ça l'important, mais en tout cas, pour mettre du beurre sur mon pain, car je mange uniquement du beurre pour les gens qui me connaissent. Pas de margarine! C'est une trahison pour mes papilles gustatives. La margarine devrait être retirée du marché. Ceux qui l'utilisent, de un, ne connaissent rien à rien. Envoyez-moi des courriels. RénalQuébec@commercial.com. Si vous êtes nutritionniste, c'est sûr que là, vous êtes tombé par terre avec votre verre d'eau pas de glace. Et vous vous dites, je me suis humidifié à cause d'un connard! Oui, mais la margarine, c'est dégueulasse. C'est tellement dégueulasse que de un, ça peut pas se faire frire. On peut pas frire ça. Ça explose de partout. T'en as plus sur le visage. Parce que moi, je me mets à 2 cm de la poêlonne. Je veux vivre intensément ce que ma nourriture va exprimer dans une poêlonne pour connaître un peu plus ce que je vais ingurgiter. C'est important de connaître, d'en savoir plus, d'être curieux. Je trouve sincèrement que les gens autour de moi ne sont pas assez. Puis on a une phrase comme ça, hein, puis qui est vraie, qui dit, bon, je suis comme Jean-Pierre Ferland, j'ai plus de mémoire, qui d'ordine, non, c'est pas ça. Qui se lèche la babine est un chaton heureux, non. C'est moi qui viens de... Ah, on devrait dire ça. Qui se lèche les babines est un chaton heureux, mais c'est pas ça qui d'ordine. Ah oui, la curiosité, à propos de la curiosité. Quand t'es pas curieux, c'est quoi l'expression, voyons donc? Rita Barbeau! Aidez-moi! Rita! T'es où, ma belle Rita? Elle est toujours en train de chercher ses... Son problème, elle s'est achetée des lentilles. Vous savez, au lieu de tremper, ça remplace les lunettes. Elle s'en est achetée. Et puis, elle les a prises... ça a changé, ma belle. C'est plus comme avant. Avant, c'était standard. Facile quand c'est standard. t'as pas à te compliquer la vie. Tu prends juste une sorte. C'est tout ça qui fonctionne dans tous les yeux de tous tes individus. Bien sûr que la force, c'est là que ça se modifie, mais la grosseur est standard. Mais aujourd'hui, il y a des petits, des plus petits, des moyens. Puis là, puis là, elle a pris des trop petits. À chaque fois qu'elle se penche la tête ou qu'elle rit ou qu'elle... Elle a une petite tendance aux flatulences, elle. Ouais, elle flatule, puis ça, c'est à plusieurs reprises et dans des circonstances très spécifiques. De un, quand elle rit, elle émet des petits vents. Lorsqu'elle mange un peu trop avec de la bière ou de la boisson alcoolisée, il y a des effluves, c'est bien dit, hein? Non, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant quand tu parles d'effluves. Tu dis pas lâche un pet. Non, non, des effluves, des petites ventilations qui sont dirigées vers, vous savez. Et puis aussi, dernière chose, c'est quand elle dort. Elle s'en rend pas compte. Là, c'est rendu qu'elle fait tellement souvent que même quand elle dort pas, elle s'en rend pas compte. Puis depuis quelque temps, même quand elle rit pas, elle en fait. Puis quand elle boit pas d'alcool, peut-être que... Oh, hey, là, vous venez de me faire comprendre quelque chose. Excusez, j'étais en train de lire et... j'ai demandé à quelqu'un si... Je vais encore... je te dirai. Oh. Qu'est-ce que je disais, non? Ah oui, c'est ça! Ben, elle est déjà très... très avancée, là, dans son effluve de ventilation interne. Et surtout anal, moi c'est rénal. Et c'est plutôt un problème anal. Ouais. Non, je peux bien la lancer encore, cette blague-là, là. Non. Moi, les rénalgésiques, j'évite. Et vous? Oh! Pas grand monde qui a parlé, là, hein? Vous êtes devant votre radio? Comme hypnotisé! Je vous vois! Attention, je vous vois. Tout le monde ici, je vous vois, là. Quand vous syntonisez la radio, Errance Rénaldienne, je peux rentrer dans votre domicile. C'est très propre. C'est cossu, mais propre. Même très cossu. Plus cossu que ça, là, t'es dans une boîte en carton. Ah, oh! On a le droit. Mais moi, c'est vrai que je devrais prendre exemple là-dessus. Habiter dans un endroit très restreint pour pas m'éparpiller, de un, et surtout de deux, fais-moi le ménage. Quand tu fais du ménage, tu perds ton temps. Et comme vous savez que j'ai une vie très remplie. Ah oui, j'ai un boulot alimentaire, merci. Et elle a retrouvé. Je pense qu'elle les a. As-tu avalé tes lentilles? Mais! Mais! Elle parle derrière une vitre, elle pense que je comprends. Mais oui, c'est vrai. Non, je peux saisir parce que je peux lire. Sur les lèvres. Comme les sourds et muets. Je suis capable de te comprendre. Oui, mais articule pas trop. Trop, c'est comme passé. Tu te laissais sur la mâchoire en 97, tu te souviens? On était avec Tony Bennett dans un petit restaurant à New York. Mon ami Tony dit Reynolds. How are you? How are you? Je dirais en transe. Non, il voulait dire how are you? Mais comme ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, je lui ai glissé quelques verres de scotch. C'est un amateur de scotch. Ah, oh, Tony puis Scotch, là, ça. Tony Scotch Bennett. Oh! Hey! Puis il chante tout son grand répertoire a cappella. Qu'est-ce que ça veut dire a cappella? C'est 250 musiciens en grève. C'est a cappella. Wow! Des bons gags, des vieux gags. Hein? Non, mais on ramène le... Quand je suis allé... Parce qu'il n'y a pas grand temps, il n'y a pas si longtemps, vous vous rappelez, au temps de la guignol, de la dentelle, on se foutait le dedans de pathétique, non? Il n'y a pas longtemps, je suis allé voir, applaudir et rencontrer mon ami Jean-Pierre, JP! JP Fallon! Il a neigé, il a neigé. Voyons là, y a-tu neigé? Y a neigé. Y a neigé, voyons, neigé. Y a pas d'écho, comment ça, non? Y a pas neigé, y a pas au prince. On pleura à Chamonix. C'est comme Jean-Pierre. À la Garonne, les salades belles à Paris. je l'ai le trémolo, hein. Ce soir, j'ai le cœur à l'envers. Non, ne te retourne pas dehors. Le monde est un chemin. On gèle au sud, au sud. Tout le monde ensemble. Fais du feu dans ma cheminée, j'entre chez moi. Et si l'hiver est trop, on hibernera. Je ramène avec mes bagages un goût qui m'était étranger. Moitié homme, moitié sauvage, c'est le goût de mon potager. Merci. Non, mais j'ai vu Jean-Pierre Ferland. Je suis rouge comme une tomate à moitié mort. On peut-tu passer une pause ou pour je m'oxygène le cerveau? Non. Écoutez, les aimes filles, en spectacle, prends-tu des pauses? Je ne prends pas de pause. Je n'en prendrai pas de pause, mesdames et messieurs, parce que vous êtes un public chaleureux, intense, incroyable, incontournable. Je vous aime, je poursuis, je tomberai par terre. Puis le reste de l'émission, ben, ce sera du silence. On tourne. Action! Moi, ouais, j'ai vu Jean-Pierre Ferland il n'y a pas si longtemps. Et c'était merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Sinon, dans quelques jours, m'en va voir. Je m'en vais pas. M'en va voir. Peter Murphy. Hein, c'est qui, Peter Murphy? Peter Murphy, le leader du groupe Bauhaus. Hey! Parle de Peter Murphy. Oui, c'est un chanteur, Peter Murphy. Hey, c'est pas parce que t'as pas de connaissance, mon petit champion, que Peter Murphy a pas le droit d'exister sur cette planète-là, là. Bauhaus, si tous les standards du rock, la majorité des standards du rock and roll. Bon, on les attribue, bien sûr, à Frank Zappa. On peut les attribuer aussi à Peter Murphy avec son groupe Bauhaus. M'en va voir ça, moi. M'en va, mais c'est pas à Québec. C'est pas non plus la tête à la baleine. C'est à Montréal. Où est Montréal? On connaît plus tête à la baleine là-dedans. On connaît tête à la baleine, mais on connaît pas Montréal. Parce que mais Montréal est une île. Et l'eau monte. Il reste 2-3 Montréalais à Montréal. Là. Il reste plus. Tout le monde s'en va. Ils partent, ils quittent, ça s'en va, mon ami, à grand coup de rame. Puis ça pleure, ça. Puis on leur a dit, arrêtez de broyer. Il y a tellement d'eau que vous allez encore vous anéantir davantage. Arrêtez de broyer. Mais ça broye encore. Alors donc, moi, je m'en vais là. Non, c'est pas en barque, c'est pas en bateau, c'est pas en... Non, rien. Ah non, mais encore moins en pédalo. Monsieur, parce que là, le pédalo là-dessus, là, t'as-tu réfléchi deux minutes avant de me dire ça en pédalo, toi, là, le champion? T'es un numéro 2, toi, là, hein? Tu viens de tomber dans le numéro 3, pas là, hein? Puis presque le numéro 4. Mais on va se contenter de te mettre un numéro 2 crémeux, tiens. T'es un vrai numéro 2 crémeux. Parce que, hey, en pédalo, au mois de février, t'es branché, toi. Je sais pas si c'est quoi, t'es branché sur quoi, mais je veux pas l'avoir, la station, moi, là-dessus, là. Wow! Ça existe-tu? T'es-tu encore sur l'AM, toi? AM. Radio AM. Les jeunes qui nous écoutent savent pas ça, ce que ça veut dire, l'AM, là. Ça veut dire, hey, bam! Tu sais, je sais pas, il est quoi, il est 23h, ça dépend des heures là, où on est diffusé, mais PAH! Là, le père, hey, ouais, c'est ça, mon petit numéro 2, crémeux, mais PAH! Tu sais, ils ont vraiment la façon là, de se faire aimer et apprécier. Alors, le fils, PAH! Là, lui, il pense qu'il y a des mitraillettes, il couche à la tête, qu'est-ce qui se passe? PAH! PAH! PAH! Il demande un fusil, non, c'est moi, PAH! Question à te poser, PAH! Et vas-y! Là, le jeune, hey, écoute-moi, PAH! Je m'en rappelle plus. T'sais, j'avais le fil. J'avais le fil, mais c'est en deux qui ont mis le feu. T'sais, comme après un explosif, là. Ça a tout brûlé, me rappelle plus d'où ça vient, là. Excuse-moi, PAH! Tu peux aller te coucher, PAH! Bonne nuit, PAH! À demain, PAH! Hey, là, le père dit, j'ai mis ça au monde. Ah, non, c'est à 42 ans, c'est encore que la maison. Ma femme est partie. Mes deux maîtresses sont parties. Il n'y a plus une escorte qui veut rentrer ici. Parce que mon grand fainéant de fils a décidé de rester pour m'empoisonner la vie. Si quelqu'un pourrait appeler la police, ça me ferait du bien. Je pourrais sortir d'ici. Je suis emprisonné. Ils vont s'arranger pour me tuer. Mais j'ai dit, j'ai pas une maudite tienne. En dit au moins de même. C'est moi qui prépare tes repas. Au lever, le midi, le soir, il y a une petite grignotine au coucher. Pas grand, même pas, tu trouveras pas une femme capable de faire ça, là, au moins, parce que, écoute, je m'en fais pour moi, moi, t'en fais pour toi. Hey, j'ai arrêté de faire ma bière maison. Ils buvaient les tailles, ils prenaient ça à même le. À même la machine. La machine, c'est quoi la machine? Le nom de la machine, c'est quoi? Ben, à même le tuyau. Le tuyau, voyons donc. Ce tuyau, c'est quand tu viens pour embouteiller. Oh, un connaisseur, là, hein? À même, voyons donc, ça a un nom précis, là. À même le bidon, là, qui endort la bière pour la faire travailler par la suite. Un thermostat, regarde-moi l'autre avec son thermostat. Ah, d'accord. Peu importe. Il buvait ça avant que ce soit prêt. J'arrivais pour l'embouteillage, plus une goutte. Ou allez voir mon fils, je disais fils. Là, j'y dis plus, là. J'en fais plus, j'ai arrêté de faire ça. Je dis fils. Non, j'ai pas arrêté de dire fils, mais j'ai arrêté de produire de la bière pour moi-même. Je pouvais pas attendre, lui, cet insignifiant-là. Lui, il voyait ça, là, un fermenteur, c'est ça, un fermenteur. Bien, lui, c'est un plus qu'un fermenteur, c'est un menteur tout court. Il me disait, bien, je sais pas, ça... Hey, moi, c'est... Seul cours qu'il a eu, lui, là, c'est le fait de dire que... Ah, c'est parti tout seul. Là, voyons, là, parti tout seul. Saint-Esprit, as-tu amené ça, là? Parti tout seul, quoi? Ben oui, il des évaporations. J'attends un peu, là. Je vais me réveiller un peu, là. Des évaporations. C'est dans une cuve de fermentation. Il n'y a pas d'évaporation. S'il y en a, c'est minime. On ne peut même pas parler de litres, de millilitres. Mais là, il ne reste plus une goutte. Oui, mais PAH! J'ai dit oui. Père, mais moi, il devait peut-être avoir un trou. OK. Fils, s'il y avait un trou, s'il y aurait eu un trou, le plancher aurait-il été humide? Elle lui dit, père, peux-tu conjuguer ça autrement? Oui. Oh, oui, moi, tu conjugues ça autrement. En dessous du fermenteur, là, mon petit menteur, avoir eu cette fuite-là en question que tu me relates depuis tout à l'heure, là, il y aurait eu une coulisse, il y aurait eu de l'humidité, il y aurait eu cette lisière humide, un coulis, un petit coulis, qui témoignerait que ma cuve, malheureusement, a eu un problème technique et il y a eu une fuite. Il y a eu une fuite. Mais je pense que la fuite, c'est ta bouche en dessous du robinet de mon fermenteur. Mon menteur, mon fils menteur. Puis là, regarde, là, allonge que t'as, là, pense donc de vérifier s'il n'y aurait pas un petit appartement pour toi, là, hein? Chauffé, éclairé. T'es pas nourri, là, mais tu vas apprendre à faire. Moi, te montrer ma recette de spaghetti. Il pleure, il parle plus, il pleure, il se met en mouton, lui, en fœtus. Repense pas rentrer dans ta mère est morte. La journée où elle est partie pour plus te voir la face parce qu'elle était découragée, elle s'est dit, j'ai mis un insignifiant comme ça au monde. Elle a traversé la rue avec ses trois valises, une voiture, une Trans-Am. Tu sais, une Trans-Am, là. Tu sais, le gars en arrière de la Trans-Am, il roulait. Il a pas vu ma femme. Pow! On a les trois valises. Ma femme a revolé en haut, elle a rentré dans une valise, puis elle est partie dans l'île. Oui. Elle est partie. Puis non, là, moi, je suis même pas reconnu, je suis pas reconnaissable. Ça fait peur, ça, c'est triste, mais c'est à cause de lui. Je sais pas si quelqu'un pourrait trouver un appartement, une chambre et pension. Chambre et pension serait bien, mais moi te donner, je n'ai pas dit que je vais te faire payer, là. Ma recette de spaghetti. Avec ça, tu peux vivre. Juste uniquement 100% spaghetti. Oublie la viande, oublie à quoi que de même. Si tu veux mettre de la viande, je vais te donner ma recette de sauce à spaghetti, hein, au steak à chier. C'est délicieux. Mais promets-moi, je vais te faire remplir une feuille, promets-moi que si je te donne la recette, tu pars dans les 48 heures. C'est assez précis, 48 heures. Sinon! Parce que là, il y a un avocat là, qui va écrire cette lettre-là, qui va l'oblitérer de son statut d'avocat au prix que je vais le payer, ou le notaire, peut-être un notaire ou un avocat, en tout cas, peu importe, deux grandes élites qui collaboreront mes demandes. Je lui donne ma recette à spaghetti, dans les 48 heures, il doit partir. Puis si tu tiens que ça, ben, moi, te la donner. Puis toi, t'es heureux, tu vas avoir une vie heureuse, là. Tu vas peut-être rencontrer une femme, la femme de ta vie. Tomber amoureux d'un spaghetti qui veut pas te rentrer dans le poêlon. Hey, ça, là, au début, quand j'étais garçon, j'avais 19 ans. Je vais te raconter une petite. C'est bref, c'est très bref, mais c'était intense. Je préparais mon spaghetti. Il était 2 heures du matin. Excuse-moi, j'ai encore la nouette dans la gorge, là. L'alouette en colère, comme disait Félix. T'as-tu l'alouette en colère, toi, t'as rien, t'as même pas, c'est pas important. Mais c'est pas moi qui vais payer ton appartement en passant, là, hein? Tu me donnes juste ma recette de spaghetti, bon. Et puis, j'avais 21 ans, 2 heures du matin, je prépare mon spaghetti. Puis, tu sais, je fais la recette du palmier, là. En tout cas, si vous connaissez pas ça, allez reprendre des cours à l'école. Suivez suivez mes anciennes émissions d'Errance canadienne. Mais je vous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est la recette du palmier. C'est que tu prends ton spaghetti, hein, l'eau doit bouillir, là. Elle bout, et puis là, tu mets ton spaghetti dans le milieu, OK, de ta poêle, de ton chaudron. Tu mets ton doigt en rondelle autour du spaghetti et tu le laisses aller, pouf! Et là, ça va faire comme un palmier et ça va tomber parce que en tombant dans l'eau, bien sûr, ça va ramollir. Sans fourchette, rien, le spaghetti va se mettre en place et il va tremper au complet. L'immersion totale dans l'eau chaude. Tu laisses ça 5 minutes après que le dernier spaghetti soit tombé dans l'eau, noyé. 5 minutes. Pas 4, pas 3, pas 6. 5 minutes. chrono. Ensuite, tu enlèves du rond de poil le spaghetti. Tu mets ça dans l'épuisette. Elle est tellement fatiguée. Elle dit, oh, encore du spaghetti. C'est pour ça qu'on l'appelle une épuisette. Elle est épuisée. Ah, c'est la puisette. À moins que c'est l'épuisette. Elle est épuisée. Elle dit, ah oh, non, pas encore. Mais depuis l'âge de 10 ans, parce que c'est depuis 10 ans que je fais du spaghetti, c'est la même puisette qui est devenue aujourd'hui épuisette. Elle est jaune. J'ai décidé de l'acheter jaune. Parce que si vous ne savez pas, quand vous faites bouillir l'eau, à cause de l'amalgame du spaghetti, il y a un petit peu de jaune. Donc, elle est restée jaune tout le temps. C'était conceptuel, déjà le début. Là, hein? J'avais 10 ans, je me suis dit, je vais aller chercher une épisode jaune, Spaghetti jaune. Mais c'est arrivé comme ça. Un gars intelligent, là, c'est des spasmes qui arrivent de même. Là. On contrôle pas ça. Là, il y a des caves qui restent caves, qui vont jamais graduer. Puis il y a du monde intelligent comme moi. Là, puis c'est instinctif, des fois, tu t'arrives. Oh, ouais! Je le savais sans le savoir, tu sais. Hey, ça somnolait, puis ça s'est réveillé, mais ça s'est rendormi après. Puis là, je me suis rendu compte que, ah! Oh, et puis, spaghetti, c'est ça, l'histoire du spaghetti palmier. Ça finit demain. Alors, mon fils, as-tu décidé de rester ou de partir? Mais si tu restes, mon fils, si tu restes, on dirait Michel Bougenat, mais qui rit pas. C'est rendu que Michel Bougenat, lui, avait... Il rit, là. Elle gag, sort pas. Tu dis, jaillit des humoristes qui rient de leurs blagues sans qu'on connaisse la teneur. Moi, j'ai comme vision. Fais-toi-en pas, hein? T'es un humoriste. Lance ton monologue, lance ta narration, puis si c'est drôle, on va peut-être rire. Si c'est pas drôle, même si tu ris. Tu sais, on dit, ah oui, mais le rire s'enchaîne. Non, si t'es plate, là, quand t'es, si t'es dans une platitude complète, il y en a beaucoup. Michel Bougenot est rendu là. Ben là, tu vas, il y en a un autre Québécois, mais je peux pas dire son nom. Tous ceux qui rient avant leur blague, là, ça fait partie de ce spectre-là. Des humoristes qui nous forcent à rire sans que ce soit drôle. toujours Joy Division. C'est hallucinant comme musique. C'est ce qui nous offre l'occasion de vivre dans une autre dimension. Donc, Joy Division. Aujourd'hui, oui, en même temps, j'ai voulu tousser, excusez-moi. Chose à ne pas faire à la maison. Et surtout à la radio. Aujourd'hui, le lundi 28 janvier 2000... Non, non, hey, janvier, lâche-moi le janvier! 25 février 2019, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Alors, lundi, le 25 février 2019, l'errance rénaldienne, ça dépend, bien sûr, de... Bon, de quoi. Aujourd'hui, on va recommencer. Monsieur Thibodeau, ai-je le droit de... Oui? D'accord. Merci. Vous êtes tellement gentil pour moi. Je vais prier pour vous. Et paix à votre âme. Ainsi soit-elle. Votre âme, elle est heureuse? Oui. Bon. Le lundi, 25 février 2019, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de la dramaturge, comédienne, femme tout azimut, explosive, brillante, intelligente. Eh oui, c'est la seule. C'est tout ça dans une seule femme. Qui est-elle? Corinne Puget. Qui est Corinne Puget? J'irai pas plus loin dans la nomenclature et dans l'explication. Elle va nous l'expliquer. Est-ce que ça vous convient? Oui? On peut la partir? Pas... Non, okay. On parle pas de... L'émission, je parle des... Oui? Elle est déjà... On le sait qu'elle est partie, l'émission, mais est-ce qu'on peut enchaîner? Bon, enchaîner. D'accord. C'est comme ça qu'on va faire. Il dit, c'est comme ça qu'on va faire. C'est comme ça qu'on va faire. Ben, on va poursuivre. Advienne que pourra. Tu te mets le cambouis sur les mains ou tu mets le cap sur les îles. Une mauvaise note au destin ou un bon point si c'est facile. T'es dans la rue, dans la ville, un walkman collé sur le nombril. Enfant noir, femme de Toulouse, tous ceux qui chantent I was born Toulouse. Joueur de blues, on est le joueur de blues. Joueur de blues, on est le joueur de blues. Joueur de blues, on est des joueurs de blues. Joueur de blues, on est des joueurs. Belle marquise, mainstream, belle baronne. Mille et mille et mille et mille millions. comment ça va, toi? Ça va? Ça va? Elle a pas oublié son sac? Elle a joué son sac, non? Ah, oui. J'allais courir après toi, comme dans les films américains. Wow! Salut! Mais pas au ralenti, je suis pas capable. Salut! Alors, comment ça va, Corinne? Écoute, ça va, nous, c'est la dernière ce soir du spectacle. Hey, moi aussi, c'est la dernière. Ah ouais? Dernière journée de rencontre. Et comment tu prends ça pour une dernière? C'est 2 ans, c'est un spectacle de 2 ans. Ça se termine ce soir? Ce soir, c'est la dernière. Peut-être il y aura une tournée petite, enfin, en tout cas là, à Paris, au casino, comme ça. Tu as accepté de venir me voir, même si c'était la dernière? Ah ben, justement, c'est un jour particulier. Hey! Et comment tu vas prendre ça, ce deuil-là? Bon, ce soir, on va faire la fête, on va s'amuser. Allez-vous faire plus la fête sur scène aujourd'hui? Ouais. Alors, les gens qui ont des billets, ça risque d'être exceptionnel? Ouais, ce sera exceptionnel. On reste quand même pro parce qu'il faut que l'histoire existe, ouais, pour que les gens suivent l'histoire. Mais je pense que oui, on va s'amuser encore plus et... Chez nous, on va se lâcher l'os. On va se lâcher, on va se lâcher, c'est ça. Se lâcher l'os, ça veut dire se lâcher l'os. Ouais. Se lâcher l'os, d'accord. Se lâcher l'os. On va se lâcher l'os. On va se lâcher l'os. Comment a été les représentations depuis que tu fais ça? Ah ben c'est fou, hein? C'est une aventure incroyable. C'est une aventure incroyable. Moi, je suis assistante à la mise en scène sur le spectacle, donc ouais, j'ai participé à la création. Donc voilà, c'était en juin 2016, donc ça fait 2 ans. Ah, je suis désolée, hein, non, il n'y a pas de problème. Hier, on a commencé à faire la fête, donc je ne te cache pas que je suis rentrée aucun tard. Aucun problème. Et donc ce matin, c'était un peu... voilà. Est-ce que tu as senti un changement depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Bien sûr. En fait, ce qui est le plus important, malgré tout, ouais, dans une équipe comme ça, parce que... C'est combien de personnes? Oh ben là, tous les soirs, on est 70 personnes. Sur scène? Non, okay. Alors, sur scène, on est 24. Okay. Mais en tout, on est 30. Avec les derrière, ça ouais, ouais, de son, habillage, hein, costumes, il y a 300 costumes, 200 perruques. En tout, il y a 150 personnes qui ont travaillé sur ce spectacle. Enfin, c'est très, très gros. Et ce qui marche, ce qui est le plus important et qui marche, qui fait que les gens ils sont debout dans la salle, ils sont hystériques, c'est l'amour qui est entre nous. Et ça, ça se fabrique, enfin, pas ça se fabrique, ça se travaille. Parce que quand tu arrives dans une équipe, tu as les techos comme ça, les techniciens qui sont là, ouais, ok, ouais, d'accord. Ils viennent pour passer, eux. Ouais, tu as les artistes qui sont là, ouais, d'accord, ok. Tu vois, chacun veut son joue truc son à lui. Rôle, là, c'est ça, joue son rôle. Et puis, la hiérarchie. C'est ça. Et quand tu arrives à créer l'osmose, l'énergie qui circule entre tout le monde, en respectant le travail différent de chacun, il y a ceux qui sont dans l'ombre, il y a ceux qui sont dans la lumière, c'est normal. Et on n'a pas tous les mêmes personnalités, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes goûts et tout ça. Mais, parce que là, il y a très homosexuel et très hétéro aussi dans la technique. Et tu vois, il y a des deux... vrais, là, pas des... Ah oui, okay. Ah oui, oui. Ah oui, là, on est sur... C'est fou. C'est la folle perdue, là, comme on dit, nous. C'est aimez-vous les uns les autres. Ah oui, oui, c'est ça. Et respectez-vous quand... les uns les exactement autres. Exactement, ouais. Et tolérez-vous et respectez-vous. Et quand tu arrives à faire circuler l'énergie de tous ces gens, ça devient, c'est de la folie quoi. Les gens dans la salle, ils deviennent dingues quoi. Même les ouvreurs du théâtre, les placeurs, ceux qui placent les spectateurs, ils ont inventé une chorégraphie à l'entracte pour, ils dansent dans la salle et ils font danser les spectateurs et tout. Mais c'est eux qui l'ont inventé, on leur a rien demandé. Tu vois? Et c'est... Mais le bouche à oreille a fait en sorte que ça a duré 2 ans. Oui, 2 ans. Ouais. Au début, est-ce que ça fonctionnait fort ou ça a commencé lentement? Alors, ce qui est marrant, c'est que... Au début, dans la salle, il n'y avait que des homosexuels. Okay. Que des hommes entre 30 ans, entre 20 ans et 40 ans. Pourquoi ça attire les homosexuels? Parce que tu sais, c'est un spectacle sur les drag queens, tu connais... Oui, oui, okay, j'ai vu le film. Voilà, ouais, t'as vu le film, voilà. Bah, le nom original, c'est quoi dans... C'est Priscilla, Queen of the Desert. Okay. Oui, okay. C'est ça, oui. Et donc, c'est un des rares spectacles qui parle de ça, de l'homosexualité, la de l'intolérance, voilà, voilà. Donc au début, il n'y avait que des hommes homosexuels. Aujourd'hui, oui, mais c'est... Je te jure, moi, il y a un moment, je joue dans la salle, je passe au milieu des spectateurs et je joue avec les spectateurs. Ah oui? Ok, interrelation. Et donc, je vois vraiment les gens, et je te jure, ça me fait la chair de poule parce que il y a des vieux couples hétéros, mais tu vois, des gens qui ont 60, 70 ans, mais hétéro à fond, oh, oui. Des familles avec des enfants. Ah oui, c'est ça, je veux dire. Oui, tout le monde, et ils se régalent, parce que ça raconte tellement un message universel. Parce que, un message d'amour. Parce que les trois, là, dans le film, là, les trois, entre eux, ils sont pas très tolérants au début. Ils sont pas très tolérants. C'est-à-dire qu'ils accusent le reste du monde de pas être tolérant avec eux, mais eux-mêmes, ouais, tu vois. Et au fil des obstacles, parce que c'est vraiment comme Ulysse, quoi. C'est vraiment un message initiatique, c'est un parcours initiatique, c'est un voyage, voilà, c'est une histoire universelle en vrai. L'arène, le décor, c'est des drag queens, mais c'est juste des êtres humains qui se révèlent à eux-mêmes, tu vois. Et comme ils se font attaquer de l'extérieur, ils vont s'entraider, ils vont ouvrir leur cœur entre eux. Et ils vont rencontrer l'amour, ils vont rencontrer le fils, ils veulent le papa qui va retrouver son fils, machin. Et moi, je joue la maman du papa qui est le fils. Et je joue, alors je sais pas si tu te souviens du film, parce que c'est un très vieux film quand même. À un moment donné, ils arrivent dans un bar et il y a un concours d'alcool avec une grosse dame. Voilà. Moi, je fais la grosse dame. Voilà. Ouais. J'ai un faux corps et masque et tout. Oui, effectivement, parce que je tiens à dire aussi qu'elle n'est pas grosse. Oui, non, merci. Quoique, il n'y a pas de problème. Merci, merci. Oui, oui, oui. Non, on mais peut pas non plus. Oui, oui, il n'y a pas de souci être gros ou pas gros, mais bon. Non, mais en même temps, si tu joues après ça, une femme. La maman. Au gabarit plus normatif. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il n'enlève pas de graisse. Il rajoute plutôt. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Elle court pas derrière pour perdre. Et c'est vraiment hyper touchant de voir comment ça se passe bien entre les techniciens et les danseurs, justement, par exemple, parce que bon, les danseurs sont très homo. On a beaucoup de changements rapides de costumes. Donc, les mecs, ils sont en string dans les coulisses toute la journée parce qu'il faut qu'ils se changent, tu vois. Toi, tu vois juste ça, là. Oui, bah ouais. Ah ouais. Moi, je vois des culs de mecs toute la journée. Ouais, c'est ça. Alors là, c'est ça. Et mecs qui ne sont pas pour toi. Alors ça. Regarde, touche pas, ça m'intéresse pas. Il ne va rien m'arriver de ce côté-là. C'est ça qui est malheureux. Je suis pénard de ce côté-là. Non, mais si t'as un amoureux, tu. Ah oui, il est pénard. Mais je lui ai dit, j'ai un amoureux, je lui ai dit. Tu peux me laisser partir au boulot. Oui, c'est ça. Tranquille, tu peux dormir sur tes deux oreilles, je peux rentrer à 4h du matin. Au pire, ils vont vouloir rentrer avec moi pour te voir. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Et tu vois, les danseurs, ils aiment bien chauffer les techniciens, tu vois, ils sont là, ils passent à côté. Mais ça se fait dans la joie et le respect. Et d'ailleurs, je pense que les techniciens, ils comprennent ce que nous, les femmes, d'habitude, on vit quand eux, les techniciens, ils font un petit cul, machin, tu vois. Ouais. Là, ils se font harceler, mais tous les soirs. Ça, c'est intéressant. Tous les soirs, vas-y, Allah, je peux toucher, tous les soirs. Ça, c'est intéressant. Et c'est super drôle de voir comment au début, eux, ils étaient vraiment... un peu perdu parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de se faire harceler, tu vois. Mais sais-tu, moi, je vais souvent à Pigalle. Ouais. Je descends ici. Hein? J'ai eu longtemps une moustache. Mm-hmm. Et je me faisais jamais emmerder. L'année dernière, j'ai décidé de la couper après 40 quelques années. Mm-hmm. J'en ai 51. Donc, ça faisait quoi, à peu près 37 ans. Et je me faisais emmerder par les putes. J'ai jamais connu ça. Je viens ici à chaque année. Je me suis jamais fait emmerder parce qu'ils croyaient que j'étais homosexuel à cause de la moustache. Et là, mon côté hétéro s'est enlevé quand j'ai enlevé. Tu sais, le côté hétéro a pris la place quand j'ai enlevé ma moustache. Et là, c'est je me fais emmerder. C'est fou. Et là, tu te fais emmerder par les putes. Oui. Mais félicitations. Ben, non, écoute, non, quelle non, bonne non. nouvelle. Non, c'est ça. Là, je vais me voiler. La prochaine fois, je vais me voiler. Mais c'est con de voir comment les gens ont des stéréotypes. Ben, moustache homosexuelle parce que Freddie Mercury a. Oui, mais c'est con ou c'est pas con. C'est des codes. Je veux dire, quand le paon il fait la roue, tu sais qu'il a envie de draguer la femelle. C'est des codes visuels. Ben oui, mais c'est pas parce que M. Tremblay a une moustache qui est homosexuelle. Non. Ouais. Mais c'est vrai que, tu vois, les vêtements et tout, c'est des codes, c'est un langage non verbal qu'on utilise tout le temps. Alors après, ce qui est con, c'est d'être obtus. Associé parce que t'as une moustache. Et puis voilà, et puis d'être obtus, surtout se dire, lui, c'est sûr, il est homosexuel, il a une moustache, voilà. Et puis surtout, d'en tirer des conclusions. Il est homosexuel, donc. Il est con, il est gentil, il est méchant. Ben, c'est surtout ça qui est gênant. Tu vois? Et donc, toi, ce travail-là, pendant 2 ans, à côtoyer cette faune-là, parce que c'est une faune, ça t'a enrichi énormément, c'est ça? Ouais. J'ai beaucoup de copains homo, de toute façon. Avant, j'avais déjà beaucoup de copains homo. Et j'adore ces gens parce que la vie n'est pas facile pour eux. Et ce sont des gens. Toute la société, rien ne les encourage à être homosexuels. Rien. Dans la vie, enfin, je veux dire, si tu veux être homosexuel, tu vas avoir des emmerdes toute la journée avec ta famille, au ton boulot, dans la rue, enfin... Ben, c'est pas être, mais c'est vivre son homosexualité. C'est ça. Ouais. Quand tu mets. Ah ouais. Et donc. Ça te plaît pas, c'est ça que je suis. Alors que moi, par exemple, en tant qu'hétéro, bah peut-être que des fois, je vais me coiffer comme ça ou m'habiller comme ça, parce qu'inconsciemment, je me dis, je rentre dans le moule et on va me foutre la paix, tu vois. Ah si, je mets ma petite robe, là, je vais me faire emmerder si je mets mes... Voilà, et je peux rentrer dans le moule et on m'emmerde pas. Et eux, du coup, ils ont dit, voilà, c'est ça que je suis. Et donc, ils sont obligés de... d'être en... Enfin, ils savent qui ils sont, quoi, et je trouve que c'est des gens... Mais... Ils sont drôles, ils sont beaux, ils dansent bien, ils ont des petits culs parfaits, ils sont... Bah moi, tu peux trincer l'œil, comme on dit. Ah ben, bah, on se gêne pas. Mais on va aller à la jeunesse. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir comédien? Alors... Parce que ça, c'est important de savoir d'où ça vient. Normalement, très souvent, c'est qu'enfant, on voulait faire des spectacles, on voulait se montrer. En fait, moi, quand j'étais petite, je voulais être danseuse. Danseuse étoile ou danseuse? Danseuse. Et c'est toujours, hein, je danse toujours, c'est toujours. Et puis, ma mère n'a pas voulu, entre guillemets, mais ça, j'y crois pas trop, parce qu'il y a des trucs que tu fais dans la vie, même si tout le monde se met sur ton chemin. Bon, je sais pas pourquoi... Ça, c'est une version que t'as entendue. Oui, c'est... bon. Oh, mais je l'ai entendu dire, ma mère, je me rappelle quand j'étais petite, qu'elle avait dit à ma prof de danse, vous oubliez ma fille, elle sera pas danseuse, donc vous vous occupez pas d'elle. Ouais. Oh, ok, mais là, t'étais là, tu l'as entendu. Ouais, j'ai entendu, j'étais là. J'avais 5 ans, mais j'ai entendu. Oh. Je m'en souviens. Mais... Donc j'ai continué à la danse et tout, et puis... et après... J'ai fait du théâtre et je me suis dit. Mais j'ai pas... À quel âge ton théâtre là, Alors, le théâtre, j'ai commencé à 17 ans, j'en ai fait un peu. Après, je suis partie vivre aux États-Unis, dans le Connecticut et à New York. Ah ouais? Ouais. Et après, je suis revenue. Ah bah, en fait, si je te raconte ma vie vite fait. Non, vas-y, prends ton temps. En fait, je suis ingénieur en informatique. Ok, à la base. J'ai fait des études parce que mes parents, c'était le bordel, ils divorçaient, tout le monde s'entretuait dans la famille, c'était le bordel complet. Je me suis dit, putain, si moi en plus je deviens artiste au milieu et que je leur dis, voilà, je vais être comédienne, ils vont mourir, je peux pas leur faire ça. Donc je vais faire des études sérieuses, comme ça, ils seront peinards, en ce qui me concerne, ils seront peinards. Puis ils vont te laisser tranquille. Hein, et puis ils vont me laisser tranquille, et puis moi aussi je vais les rassurer, je vais leur faire du bien. Tu sais, quand t'es enfant, ouais, tu penses toujours à protéger tes parents. Ouais, c'est ouais, con, mais et c'est comme ça. Tu veux être gentil avec tes parents, voilà, tu veux, voilà. Bon, bref. Et donc j'étais dans le Connecticut pendant 2 ans, j'étais prof de maths là-bas à l'université du Connecticut. Tu parles anglais? Oui, je parle anglais, ouais. Tu l'as appris l'anglais? Moi je l'ai appris à l'école. Et puis j'étais motivé, quoi. Je voulais apprendre l'anglais, putain, je voulais parler anglais. Pourquoi au Connecticut à Paris on pouvait pas? Mais moi je viens de Marseille. Oui. Hein. Mais parce que tiens, je te parle de ça il y a 30 ans. Hein. Ah ouais. Et il y on avait a pas. Le même âge. Oui. J'ai 50 ans. 51. Ben voilà. Et voilà. Quand on y était beau, c'est merveilleux. Hein? C'est merveilleux. On est des petits jeunes. On est sublime. on est sublime. C'est vrai. Mais là, on s'est appelé 2 oreilles. Hein? Mm. Puis il faut savoir assumer notre âge. Ben oui. Puis éviter, là. On est comme on est. Surtout, c'est pas du tout une honte d'être expérimenté, sage. Plein de connaissances, ben non, enfin, c'est plutôt flatteur. Ben oui. Entre une bibliothèque vide et une bibliothèque pleine. Quelqu'un qui meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Ouais, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. C'est que. Puis tout le monde prend un jour chaque jour. Hein. C'est pas les gentils ils vieillissent non, non. pas et les méchants non, vieillissent. Non, c'est tout le monde égaux. Tout le monde à la fin de la journée, oui, il a pris un jour. Exactement. Donc il n'y a pas de fierté. Il vaut le prendre du bon côté. Alors Connecticut me voilà. Bon, alors Connecticut me voilà. Et donc, c'est beau le Connecticut. J'ai adoré. La fac aux États-Unis, j'ai adoré. J'étais élève et prof en même temps, tu vois. Curieux. Ouais, j'ai adoré ça. Puis après, j'ai habité un peu à New York, je bossais à New York, j'ai habité à Hawaï aussi. Oh. Je voulais pas rentrer. Le soleil. Ah ouais, putain, Hawaï, c'est fantastique. Il y a des ondes telluriques, tu sais, il y a des volcans, il se passe des trucs. C'est vrai. Ah non, mais il se passe des trucs. T'arrives sur cette île, il se passe des trucs. Tu rencontres des gens et tout. Bon, et puis je suis rentré en France et j'ai commencé à travailler comme ingénieur. Mais quand tu es rentré, c'est à quelle année ça? C'était en 92, okay. 93. Ah, c'est quand même 93. Assez récent. 93, ouais. 93. Oui, ça, oui. Ben, c'est l'année de la sortie du film Priscilla fout du désert. Ouais. Et donc je suis rentré, j'ai commencé à bosser comme ingénieur. Ça fait 25 ans. Ouais, c'est ça. 25 ans, ouais, j'ai compté 25. C'est ça, bravo. Et donc j'ai commencé à travailler comme ingénieur. Et au bout de 24 heures, je me suis dit, ok, je déteste tout. Tout. Mon métier, les gens avec qui je travaille. Très gentil, oh oui. Mais rien. Enfin, je déteste tout. Bon. Alors, je me suis dit, soit j'attends que la mort vienne me chercher, je me laisse mourir tranquillement en attendant la retraite et en attendant. Voilà. Ça va être long. Faut pas. Ouais. Ça va être long. Ennuyeux et interminable. On parlait de ralenti tout à l'heure, c'est comme faire ça. Oui, c'est ça. Je me suis dit, putain de merde, quoi. Là, j'ai 25 ans, il me reste quand même 30 ans à bosser, au moins 40 ans à bosser. Merde, qu'est-ce que je vais faire? Alors, mon plan à l'époque, je me suis dit, et je crois que j'ai réussi quelque part. Je me suis dit, je vais faire comédienne, mais j'ai pas réussi comme je pensais que ça réussirait. Je vais faire comédienne, comme ça, c'est là la folie du cerveau humain. Yes. Je vais très vite gagner beaucoup d'argent. Ah oui, okay, c'est là que ça fait. Ouais. Et avoir beaucoup de temps libre. Oui, n'importe okay. quoi, n'importe oui, quoi, oui, n'importe oui, quoi, oui. n'importe quoi. C'est merveilleux. je vais très vite avoir beaucoup de temps libre et beaucoup d'argent. Et grâce à ça, je pourrais danser, je pourrais reprendre la danse et je deviendrai danseuse. Tu vois, c'était ça mon truc. Bah, c'est l'idéal. Et bien aujourd'hui, j'ai 50 ans, je danse sur Priscilla, vol du désert, oui. mon vieux. C'est vrai. Alors j'ai mis 25 ans. C'est vrai. Mais quelque puis, part. Tu fais un petit peu d'argent. Et puis je fais un petit peu d'argent. Voilà. Ah, donc ouais. quelque part, moi je pensais que ça mettrait 2 ans, ça a mis 25 ans. D'accord. Non, mais t'as fait autre chose, ça pendant non, ces 25 mais bien ans. Sûr, j'ai fait plein de trucs. Donc j'ai écrit un spectacle qui s'appelle. Enfin, j'ai co-écrit un spectacle qui s'appelle Arrête de pleurer Pénélope, qui oui. s'est joué à Montréal. Oui. Oui, ça s'est joué à Montréal. Et j'y suis allée à Montréal. Ben, et j'ai vu l'affiche. Ouais, et j'ai rencontré les comédiennes à Montréal. Qui jouaient qui jouaient, des filles super, des filles géniales. Ça, c'est en quelle année, ça? Alors, ça se joue encore, ça fait 20 ans que ça se joue. On a commencé en 98. Et tu le joues encore? Non, moi non, parce que moi j'ai pris 20 ans, mais mon personnage il a pas vieilli. Ok, lui. Ok. Tu vois? Ah oui. C'est ça qui est dingue. Et est-ce que c'est toi qui recrutes les comédiennes qui vont jouer? Des fois, ouais. Ok, il y a des versions actuellement. Mais il y en a plein, oui. Là, il y en a à Lyon, il y en a à Montpellier, il y en pas a à Paris Bordeaux. Actuellement. Non, à Paris, okay. non, l'année dernière, il y en avait à Paris, mais là, ils ont arrêté. Ok, mais peut-être l'année prochaine, oui. Oui, peut-être l'année prochaine, oui. Et donc, je suis allée coacher là, les comédiennes de Lyon. Donc, il y a deux équipes. On est trois sur scène. Donc, il y a deux équipes. Donc, il y a six comédiennes. Et j'ai vu les six filles, jeunes filles, qui ont l'âge que j'avais il y a 20 ans, tu vois. Ah, c'est fou, hein. Et qui étaient incroyables, qui étaient super contentes, des super gonzesses. C'est... Et ça, c'est une de tes premières pièces que tu as co-écrites. Ouais, mais je te dis, ça fait... j'avais rencontré deux filles dans un cours de théâtre. Et toutes les trois, on s'est dit, bon, on va jouer une pièce pour trois filles. On a cherché, on ne l'a pas trouvé. Ok, on va l'écrire. On va l'écrire. Mais on pensait jouer... On avait un théâtre pour 10 dates. On avait trouvé un théâtre pour 10 dates, ce qui pour nous était fabuleux. C'était ici, c'était à la Halle Saint-Pierre. C'est juste à côté d'ici. Oui, oh oui. On s'est dit 10 dates, c'est génial, 10 dates, allô maman, j'ai 10 dates, tu te rends pas compte, j'ai 10 dates. 20 ans que ça dure. Mais ça a été dur, hein, parce qu'on n'avait pas de producteur, on est parti dans les cafés-théâtres au fin fond de la France, on n'avait pas d'argent, on bossait à Paris, on prenait le train, on allait bosser là-bas, enfin bon, c'était la galère. Pendant 4 ans, on n'avait pas de prod, moi j'étais toujours ingénieur. Donc je me suis lundi. Ça n'avait pas arrêté. Non, parce que j'avais pas d'argent sinon, parce que le théâtre, on ne gagnait rien du tout. Non, normalement. Hein. Donc lundi, mardi, mercredi, je bossais à Paris en tant qu'ingénieur. Jeudi, vendredi, samedi, j'allais à Lyon, je jouais à Lyon ou à Bordeaux ou à Nantes ou à Toulouse. Et c'est quelque chose. Ouais. Et là, tu as décidé à un moment donné, j'arrête. À un moment donné, j'ai dit. Ça, c'est quoi, il y a 20 ans, j'arrête. Ouais, en 2002. 2002, j'ai arrêté. Ouais. Pour te consacrer à la petite parisienne. Et je veux te dire un truc, quand j'habitais aux États-Unis, j'ai vraiment adoré. Mais il y a deux choses qui me manquaient. La première chose, c'était le saucisson. Je me suis dit, je ne peux pas vivre dans un pays qui n'a pas de saucisson. Okay. Et la deuxième chose, c'est l'amour de la langue. C'est maîtriser la langue au point d'écrire avec subtilité. À un moment donné, j'habitais aux États-Unis, j'avais un amoureux américain. Et quand on s'engueulait, moi quand je m'engueule avec mon mec... Tu parles en français. Je parle en français, mais surtout, je fais un spectacle malgré tout. Oh, parce que moi je viens de Marseille. Donc, quand on s'engueule... Ouais, vous êtes enflammé. On s'enflamme, bim. Il faut le bon mot, la bonne... Il faut être drôle quand même, tu vois. Il faut qu'il y ait de la comédie, espagnol. Il faut que ça soit drôle. Il faut le sens de la formule et tout. Ouais. Et avec lui en anglais, j'avais pas cette finesse de langage pour, au milieu de ma colère, mettre le bon mot, la bonne phrase. Ça, je me suis dit, c'est pas possible. Pour susciter un certain... pour enlever toute la tension. C'est ça. Tu vois que le mec, il retombe amoureux de toi encore plus. Il se dit, putain, cette gonzesse, je l'aime. C'est pas possible. Et je me suis dit, si je peux pas m'engueuler avec mon mec avec panache, je peux pas rester dans un pays où je peux pas m'engueuler avec mon mec avec panache. Pour le récupérer par la suite et pour, faisons l'amour. Voilà. Bottomless pit that we've been climbing for. It's just a kid on level ground. Shake your seasick legs around. That winter in a local town. Signs of life been stopping, flickering. Need a bed to lay my body down. Dead with the carry down. Some static is lulling me to sleep. Hang your clothes on a chain link fence. And junkyard say I'm in a mouth is full of. Touching on Non, mais vraiment, j'aime les mots et j'aime écrire, lire. Après, j'ai lu en anglais aussi, beaucoup et tout, mais voilà, je suis rentrée en France pour ça, mais j'avais aucune idée que j'allais être auteur. J'avais aucune idée, j'étais ingénieur. J'avais aucune idée que j'allais écrire des pièces de théâtre, jouer, aucune idée, aucune idée. Et qu'est-ce qui t'a pris le crayon? Là, tu m'as dit parce que t'avais pas de pièces féminines. C'est ça. Mais après, une fois que t'as le crayon, qu'est-ce que je veux raconter? Alors, on était trois. C'est ça, mais ouais. On était trois et... L'avantage de trois, c'est que on se fait pas de cadeaux. Donc, t'écris une phrase, il y a les deux autres qui font t'es vraiment sûr là de ce que tu viens d'écrire? Tu vois, et inversement, quand l'autre écrit, tu lui dis ouais, pardon, je crois pas, non, là c'est un peu facile, là tu te laisses aller, c'est facile. Tu vois, c'est pas facile, ouais, effectivement, à trois, là c'est. Et donc, du coup, ça te. Merci. Oui. Et donc ben, toutes les trois, on s'est encouragées à écrire, à dire nos conneries. En fait, on se racontait notre vie, tu vois. On écrivait, on se voyait, on parlait, on se racontait nos vies. Bim, bam, boum, on écrivait. C'est la vie, quoi. C'est ça. Ouais. Et c'est vraiment le collectif qui a fait que le texte est arrivé. Ouais. Est-ce que tu travailles aussi tout seul ou Oui. Là, en ce moment, j'écris un téléfilm qu'on m'a commandé. Donc, alors, c'est marrant. Pour quelle chaîne? Alors, pour l'instant, c'est une prod qui me l'a commandé. Après, il va falloir qu'il démarche la chaîne. Et donc, parce que j'ai fait Pénélope, ça a duré 15 ans Pénélope. Après Pénélope, j'ai dit, parce qu'on a fait le film, on a réalisé un film aussi. On a écrit deux pièces et un film, on a écrit trois histoires de Pénélope. Okay. Là, tu la connais par cœur, cette histoire-là, c'est fini. Et après, quand ça a été fini, parce que j'ai co-réalisé le film, donc c'est des grosses équipes, c'est beaucoup de responsabilités. Est-ce que le film a bien fonctionné? Ouais, ça va, ça va. On aurait aimé que ça marche encore plus. C'est un remake américain. Comment ça, c'est un remake américain? Ben, parce que c'est un remake de l'autre film, c'est ça? De Pénélope? Oui. Ah non, c'est une histoire originale. Ok. Ah oui. Ok, parce que le film que j'ai vu dans les années 80... Ah, mais attends, de quel film tu parles? Tu ne vois pas de la même chose, alors? Non, vas-y, ok. Non, on va s'en mettre au diapason, vas-y. Non, mais la pièce que tu finis aujourd'hui... Ah oui, non, toi, tu parles de Priscilla. Ah, Priscilla, Priscilla. Ok, c'est ça, ok. Non, moi, j'ai parlé de Arrête de pleurer Pénélope. Ok, parfait, bon, oui, ok, là, bien je comprends. Sûr. Non, on n'a pas fait le remake, non. Non, Arrête de pleurer Pénélope, la pièce, après, on a fait un film. Avec qui? Avec moi et Juliette et Christine, avec les trois comédiennes qui avons écrit le truc. Parce qu'il me semble que j'ai le DVD à la maison. Ah ben, regarde-le. Que j'ai acheté sur eBay. Ah ben, regarde-le. C'est un petit cachet, oui. Je pense que j'ai ça. C'est qui la maison de production derrière ça? C'est SND, M6. Il me semble que je l'ai. En arrivant, il est encore emballé. Parce que j'ai acheté des lots, tu sais, j'achète des lots de films sur eBay.fr. Ça fait partie de mon lot, je suis sûr à 90%. Okay. Et ben donc, regarde-le. Ben oui, je regarde. Ben oui, en plus. Alors, donc je finis le film. Et après le film, j'ai dit là, je veux travailler seul. Foutez-moi la paix, je veux être seul parce que c'est trop. La vie a fait que suite à ça, j'ai écrit un spectacle à 14 comédiens. Hey. Bon, ça a super bien marché, tout c'était cool. Après, là, j'ai dit là, maintenant, je veux être seul. On est 80 sur Brésilien, on est 80. Alors, à chaque fois que tu veux être seul, ça. Ça monte. Heureusement que tu n'as pas dit je veux pas d'enfant, parce que c'est une folie. Ouais. Et là, non, là, par contre, j'écris. Seul, t'es jamais seul, puis moi j'adore travailler en équipe, mais oui, là j'ai commencé à écrire le film seul. Et c'est le téléfilm que l'on t'a... Le téléfilm, ouais. Et on t'a amené le sujet, on t'a dit... Oui, ouais, ouais. Tu t'es rangé à quel niveau Alors pour l'instant, on en est sur un synopsis long, okay. Tu vois, donc il y a 10 pages qui racontent le film en 10 pages. Ouais. Et tu sais, c'est par étapes, donc à chaque fois tu dois re-signer avec des producteurs. Ouais. Donc là, j'ai rendu ma copie avant-hier. Oh. Et quand tu rends une copie, comment tu te sens? C'est horrible. Tu la rends vraiment... c'est horrible. Tu l'envoies par courriel ou tu le... Par mail, ouais. Okay. Moi, en tant que comédienne, j'ai le trac, mais pas plus que ça, parce que je sais que je vais toujours me démerder, je vais faire... Mais en tant qu'auteur, je trouve que c'est le... De me mettre à nu en tant qu'auteur, pour moi, c'est beaucoup plus impressionnant que de me mettre à nu sur scène, de jouer. Je peux tout jouer. En tout cas, j'ai plaisir à le faire et je me sens pas exposée. Étonnamment, je me sens pas exposée quand je joue. Mais en tant qu'auteur, propose un premier jet, un synopsis de 10 pages, est-ce qu'on va te rémunérer ou si c'est juste s'ils disent oui que tu... Oui, alors, d'abord, j'ai fait un synopsis de 3 pages. Ok, là, ça a passé. Là, c'est passé. Donc là, on m'a payé. Là, t'étais rémunéré ou c'est pour ça? Non, les 3 pages, je n'étais pas rémunéré. Okay. Et après, pour l'équipage, t'es rémunéré. Ok. Les trois premières, c'était pour voir si vraiment ils avaient bon feeling, si c'était la bonne personne. Ouais. Ben, oh, ok, ah, ben, c'est ça qu'on veut, donc va plus loin dans ta démarche. C'est ça. Raconte tous les histoires, amène les personnages. Et c'est ça, c'est ça, okay. c'est ça. Et là, toi, as-tu déjà l'idée d'où ça va aller, cette histoire-là? Oui. Ben, là, j'ai raconté en 10 pages, il y a toute l'histoire, en fait. Tu vois, c'est un résumé d'un film en 10 pages, en fait. Okay. Donc, il y a le début, milieu, la fin, il y a tout. Et là, tu fais lire à ton copain, à ton amoureux? Oui, okay. Oui, je l'ai fait lire à mon amoureux et parce que je lui ai demandé de qu'il me le lise et qu'il me dise ce qu'il comprend à travers les mots. Okay. Tu vois, c'est-à-dire que si par exemple j'écris le résumé de cette conversation là aujourd'hui, moi je l'ai vécu la conversation, donc j'ai tout dans la tête, tu vois, le truc en face, machin, nanana. Mais je vais écrire en 5 lignes. Et là le film c'est pareil, c'est-à-dire que je le vois dans ma tête. Donc, est-ce que c'est bien raconté? C'est ça que tu veux. Et est-ce qu'il voit ce que moi je vois? Okay. Et des fois, pas du tout. Des fois, il me dit, bon, bah là, il chuchote à l'oreille de la fille et tout. Je dis, ah, mais pas du tout, il chuchote pas à l'oreille de la fille, il chuchote à l'oreille du mec. Bon, mais j'avais pas compris. Et là, je relis ma phrase, je me dis, ah putain, oui, c'est vrai. Okay. Tel que c'est écrit, on pourrait croire que elle alors, parle à elle. Alors c'est juste éclaircir un peu plus les zones d'ombre. Et puis voir les enjeux, l'enjeu, tout ça. Et puis, c'est marrant d'avoir son point de vue de mec aussi. C'est drôle. C'est drôle parce que ça parle beaucoup d'hommes et de femmes dans le film. Rapport homme-femme. Ouais. Et il y a des femmes de toutes les générations. Enfin, il y a des femmes de 17 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et 60 ans. Et donc, c'est un peu toutes les générations de femmes et chaque fois leur vie professionnelle aussi par rapport aux hommes et tout ça. Mais c'est une comédie. Et donc, il y a des trucs de drague avec les adolescentes de 17 ans qui se font draguer par deux mecs et tout. Et il me dit, bah ouais, c'est normal, les mecs ils disent ça, ouais, c'est normal. Je me dis, mais comment ça, c'est normal? Mais non, si je ne veux pas dire ça. Bah, il me dit, bah si, oui, c'est comme ça. C'est rigolo de voir qu'on est différents. Mais comment tu fais pour te remettre, ben, parce que tu as déjà eu 16 ans, 17 ans, oui. Le discours des jeunes aujourd'hui? Nous, on a mon chéri, il a une fille de 21 ans. Ok, ah. Donc je vois de près le l'animal, la meute et comment on était à cet âge-là, mais qu'on oublie après, tu vois. Même le discours a changé. Le discours, complètement, oui, complètement. Oui. Et si tu veux être réaliste, il faut vraiment suivre. Ouais, mais ça après, tu vois, moi, elle peut relire ce que j'ai écrit et me dire, non, mais ce mot-là, ça n'existe plus du tout, c'est quoi. Ça, c'est pour les vieux. Là. Ça, c'est pour les vieux. Non, mais ça, c'est plus du tout comme ça qu'on parle. C'est tu vois. Ça. Ah, ouais. Et donc, après, oui, moi, je me fais relire par des jeunes. Et depuis ces 25 années-là, tu n'arrêtes pas, tu es vraiment. Puis ça fonctionne bien pour toi. Oui, ça fonctionne bien. Il y a eu quelques moments où ça s'est arrêté, parce que c'est un métier où tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Ah, ouais. Ouais, c'est... Mais il y a tellement de personnes aussi, il y a tellement de. Ouais. Puis même pour les grandes, le téléphone arrête à un moment donné parce qu'il y a un passage à vide dans l'âge où il n'y a pas de rôle pour ces personnes-là. Puis, mais je fais des écrits. C'est ça. Ah oui. Ah, j'ai 10 questions, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Vas-y. Si j'étais un liquide. Si j'étais un liquide, l'eau de mer. Ah oui? L'eau de mer salée. Pour premièrement, c'est le symbole que c'est les vacances. Moi, je suis née à Marseille. Ah oui. Okay. Et l'eau de mer, ça représente. C'est mon liquide natal, presque. Ouais, tu vois, c'est vraiment. Après le ventre de ma mère, après, c'était l'eau salée. Et je trouve que c'est à la fois quelque chose qui te porte et qui te berce, mais c'est à la fois quelque chose de salé et de amer. C'est quelque chose qui peut te faire vivre ou qui peut te tuer, quoi. C'est vrai. C'est la mer, c'est quelque chose, hein. La mer, c'est changeant. La mer, ça peut être sublime, lisse, beau, propre, il y aura des vagues, ça change tout le temps. C'est l'impermanence de la vie, quoi. Tu vois, c'est une masse aussi. C'est une masse. La mer, c'était tout petit face à la mer. Tout petit, minuscule. Humilité, pardon, merci. Exactement. Merci, pardon. Marseille a changé avec les années. Je suis allé en 89. Puis, ah oui. En 2012, j'ai vu qu'il y avait. Ça change, ouais. Ouais, ouais, ça change. Ouais. Comme tout. Toutes les villes, ouais. Ouais. Si tu étais. Est-ce que c'est pour le mieux? Je pense qu'il y a du mieux et il y a du moins bien. trying to be so good. They're stone you just like they said they would. They stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Well, they'll stone you when you're walking on the street. They'll stone you when you're trying to keep your seat. Stone you and then they'll say good luck. Yeah, but I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Oui, il y a ma mère qui habite là-bas. Okay. J'y retourne. Ouais. Et tu... Et ma nièce de 20 ans qui habite là-bas aussi. Mon frère, il est pas loin. Est-ce que tu repenses souvent devant l'école? Oui. Ça existe encore? Ouais. Ah, c'est merveilleux. Ouais. Ça, c'est beau. Ça, c'est une nostalgie. Ouais. Tu sais, quand tu veux te ressourcer dans la... Il y a juste la maison de mon enfance qui a été rasée et reconstruite. C'est terrible, hein. C'est drôle. Pourquoi? Hein, bon, parce que c'est des propriétaires qui l'ont acheté, ils ont refait notre maison, quoi. C'est drôle hein, comment ça tâche. Hein, oui, c'est vrai. Ben ouais, mais c'est notre au enfant. Lieu géographique. Ouais, tu te souviens de certaines scènes avec tes frères et sœurs. Mais oui. Ah, c'est là qu'elle m'a mis en dessous de la table. C'est là que... Puis les arbres, il y a des arbres. Je pense que je connais leurs branches, leur écorce. Je connais Ouais, on était voilà. Appuyé pendant des pique-niques avec un petit copain, tu te souviens, le petit premier baiser. Oui, mais c'est vrai, c'est plein d'histoires. Ouais. Pour moi, tu connais une ville quand tu commences à avoir des souvenirs de rendez-vous amoureux dans la ville. Ouais. Y est, tu fais partie de la ville. Ça, c'est vrai. Quand tu dis, ah là, il y a machin qui m'a embrassé, là, il y a un truc. Il y a une histoire. Si tu étais une ville. Une ville? Ouais. New York. Ah ouais? Ah ouais. New York, c'est... C'est fou, hein? Oh, putain. Tu sais, c'est une terre indienne. Je sais pas ce qui se passe aussi dans cette ville. Ouais. Il y a, au-delà du tourisme et de ceci, de cela. Bah, c'est comme Paris, mais ça bouillonne. Putain, New York. Et je suis pas la seule à dire ça, mais quand je vais à New York, je rentre chez moi. Je rentre à la maison, quoi. Il y a un truc de... D'appartenance. Ah, oh, putain. C'est viscéral. Hein. C'est vibratoire. Ouais. Je sais pas. Il y a un truc dans le sol. Il y a un truc... Et tu sais que Broadway, c'est un chemin indien. Oui. En fait, ils ont fait des parcelles à vendre, rectangulaires comme ça. Les promoteurs immobiliers, les paysans, tout ça, ils ont fait des parcelles. Ils ont dit, on va tout découper en parcelles. Exactement. Et Broadway ne devait pas exister. Non. Et c'était un chemin indien. Et ils ont oublié, quand ils ont fait le plan, ils ont oublié d'enlever Broadway, comme par hasard. Et ils ont dit, bon, ah, tant pis, on va le laisser. Tu vois, le succès de cette rue, Broadway, connu dans le monde entier. Central Park, quand tu marches dans Central Park. Non. Surtout, il y a de la musique, hein, t'entends presque Simon et Garfunkel, t'entends. Il y a autant de choses humanistes qu'il y a des choses épouvantables. Complètement. Mais c'est une vraie ville. Le yin et le yang. Le plus beau et le plus laid. Ah ouais. Puis ça vibre tellement, ça ne dort jamais. Ça ne dort jamais. C'est comme ça, c'est toujours constant. Ouais. Toujours. Oui, à toute heure du jour de la nuit, tu entends le klaxon. Le klaxon, je dis souvent à des amis au Québécois, le klaxon a été inventé par les Français. Ah ben bien sûr. Parce que nous, on l'utilise pas. Et les Italiens. Et les Italiens. Mais quand on fait un klaxon, ça veut dire que ça va pas très bien. Là. Le Français aime à klaxonner. Ah oui. Pour rien. Ah oui, pour rien. Pour rien. Le gars peut pas avancer. Puis ça klaxonne. Mais parce que tu suspectes toujours que l'autre est un con. Oui. Et qu'il s'est arrêté là pour le plaisir d'emmerder le monde. Il sait pas qu'il y en a un autre qui est dans la main, l'autre qui est dans la main, l'autre qui est dans la main. Tu te dis jamais que peut-être c'est arrêté parce qu'il y a un enfant qui traverse pas. Non. Forcément, le mec qui s'est arrêté, c'est un con qui fait ça pour te faire chier à toi. Parce que tu es le centre du monde. Donc dès qu'il arrive un problème, c'est contre toi. Tu vois, parce qu'il y a quand même un égo de c'est tout le monde m'en veut quoi. Donc les gens sont arrêtés au milieu de la rue parce qu'ils veulent me faire chier à moi. Non, c'est juste qu'il y a des travaux, c'est juste qu'il y a un accident, c'est juste qu'il y a machin. Voilà. Et donc on est toujours, pourquoi on me fait ça à moi? Tu veux le film de Michael Douglas ou ce qui est vraiment là, c'est figé. Il sort de sa voiture avec sa valise puis. Où il parle... Oui, à un moment donné, il vient de se séparer avec sa copine, puis ça va pas très bien dans sa vie. Puis il y a un petit attaché-case, puis il s'en va, non? Ah non, j'ai pas vu. Ah, c'est hallucinant. Il s'en va dans un fast-food, puis il demande un hamburger. Puis là, il ouvre son hamburger devant la... Puis il dit, regardez, là, je vois un tas de merde, puis je vois l'hamburger qui est là. Ah oui! Ah, voilà. Mais ça, je l'ai vu, ça. Oui, c'est ça, il dit ça ressemble pas du tout à la photo. Toujours avec des lunettes et cheveux coco, là. Il devient fou, le bonhomme. C'est ça. Puis c'est dans ça. Sa mallette, il y a une pomme. Symbolique, hein? Ouais. Ah, c'est... Mais tu sais, le gars en a tellement ras-le-bol qu'il sort de sa voiture. C'est ça. Dans la grande boucle aussi. Oui. Bon, si tu étais une langue? Si j'étais une langue, je ne serais pas une langue de vipère. Ça, non, c'est sûr. Une langue de bois non plus. Une langue de bois. Je serais peut-être. Je serais l'italien ou l'anglais. C'est deux langues, c'est pareil, je sais pas d'où elles me viennent. C'est viscéral. Moi, je crois qu'on a des vies. Je crois qu'on a eu des vies avant, mais pas parce que j'y crois, c'est, j'en suis sûre. Enfin, je veux dire, c'est pas possible que je... J'ai essayé d'apprendre l'espagnol, mais jamais je n'ai pu parler deux mots d'espagnol. L'italien, ça va bien. L'italien, c'est arrivé comme ça. L'anglais, je te dis, je parle anglais. Maintenant, ça fait 30 ans que j'ai beaucoup aux États-Unis, mais donc... Mais tu peux écouter un film en anglais sans problème. Mais oui, et puis surtout, ça me rappelle la maison, quoi. C'est quand même pas normal, tu vois, j'ai grandi à Marseille. Ça me rappelle la maison. Et l'italien, c'est pareil, ça me rappelle la maison. Ah, mais des fois, il y en a qui sont plus branchés sur leur... Si tu étais une époque... Une époque? Alors attends, je sais que je m'en souviens plus, mais je sais que je sais. Oh, ça se complique là, quoi, là. Je sais, moi je souviens plus, mais je sais. Attends, parce que souvent je me dis putain. Ok, oui, tu te le rappelles souvent, mais tu t'en souviens plus. Voilà, c'est ça. Attends, si j'étais une époque. Raisonnablement, c'est pas très raisonnable ce que je vais dire, mais c'est pareil, j'ai une attirance pour le Moyen-Âge. C'est pas très raisonnable parce que déjà je serais morte à mon âge depuis très longtemps parce que l'espérance de vie c'est devait être 25 ans à l'époque. Et puis alors je pense que ça devait être vraiment très dur à vivre. Mais les châteaux cathares, tu vois, les châteaux médiévaux, tu sais, les façades très austères avec juste des petites fenêtres, des petites meurtrières. Avignon, moi j'ai fait souvent le festival d'Avignon et il y a le palais des papes, tu vois, où c'est très. Tu sens que c'est. C'est pareil, ça me fascine. Et c'est pas gay, hein. Ça devait pas être folichon, hein, la vie à cette époque-là. Mais tu voudrais juste voir. Il y a un truc qui me. C'est pareil, qui me rappelle la maison. Et les Templiers, les cathares, les. Mais ouais, c'est marrant, c'est un truc vraiment d'austérité, de rigueur, de silence. Alors que tu vois, je suis pas silencieuse. Hein. Ça, on peut pas me reprocher. Bon. Ouais, un truc de dureté. Il y a. Les livres de Kundera, tu sais qui se passe en Albanie, comme oui, ça, oui, oui. Il y a... C'est Paul Larose, au nom de Larose, non, c'est pas au nom de Larose, non. Non. Oh, oh, oui. Il y a la fille du pont où il racontait qu'à l'époque, pour baptiser un pont, ils ont muré quelqu'un vivant dans le pont, tu vois, c'est horrible, c'est horrible. Ah, c'était très bâtard, C'était violent, mais la violent. Et bien, je sais pas pourquoi ça me fascine. Chevalier de l'époque, je sais pas. Du barbarisme à l'état pur. Hein? C'est du barbarisme à l'état pur. Oui, c'est du barbarisme, complètement. Complètement. D'où vient cette énergie-là, tu vois? Parce que depuis qu'on se parle, t'es... Putain, moi, c'est vrai, j'ai de l'énergie. Là. D'où ça vient? Écoute, j'ai grandi donc, au bord de la mer. On a grandi sans la télévision. Okay. Ah. Mes parents, ils voulaient pas. Ah, ça c'est. Alors tu sortais dehors, tu bougeais. Ouais. Tu... On n'avait pas la télé. Tu t'oxygènes. Ouais, on était dehors. Mes parents, ils nous ont appris à être libres, je crois, malgré tout, de respectueux de la société, mais libres de la société. C'est-à-dire, je suis pas obligée de faire ça parce que on m'a dit, parce que tout le monde le fait, parce que tout le monde le fait, ah, que je dois le faire. Bien, ça c'est bien. Tu vois, ils m'ont appris ça. Et voilà, on allait à la montagne, on allait à la mer. Si tu étais un mot. Un mot? Un mot doux. Oh. Un mot doux. Si tu étais un aliment. Un aliment? Une framboise. Ah, toi aussi. Ah, à cause de la texture, de la couleur. Ouais, je le goûte, je sais pas, ça me rappelle mon enfance. J'adore la framboise. Si tu étais une saison. L'été. Ah oui, l'été. Hein. Ouais, l'été. Est-ce que tu souffres de la chaleur ou tu es capable de passer? Non, j'adore la chaleur. Ah oui? Il me faut la chaleur. Il fait jamais assez chaud? Ouais. Foutez-moi la paix, je veux du chaud, m'emmerdez pas. Avez-vous de la clim lorsque vous jouez là-bas? Non. On a de la clim dans les loges en haut, mais sur scène, non. Hé, il doit faire chaud. Il fait 2000 degrés. J'espère que les gens ont une hygiène minimum. Ça sent bon, j'espère? Ah oui, ouais. Okay. Ouais. Bah là, on est dans le monde des drag queens. Ah oui, c'est sûr. Je peux te dire que ça sent très très bon, bien sûr. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel? Ouais. Un membre corporel. C'est-à-dire que le mot membre en français, comme nous on l'utilise, c'est soit les... Membre viril, oui. Voilà, tout de suite on va dans un membre des bras. Ça peut être les bras, les jambes. Mais on peut focaliser aussi. Forcément, on pense aux membres virils. Ouais, je serais bien, ouais, je serais curieuse de savoir ce que c'est que... Un phallus? Oui, je serais curieuse de savoir ce que c'est que la vie d'un phallus, ouais. film qui s'appelle Sad. Et c'est en bande dessinée. C'est pas en bande dessinée, mais les protagonistes ont des exemples, sont des chiens, mais en humain. Tout ça, c'est un film belge. Non. Et Sad est représenté, c'est un chien, mais avec un corps d'homme. D'accord. Et la tête de chien. Et c'est super intéressant. D'accord. Et il doit dire bonjour à un moment donné à son phallus, mais son phallus est vivant, il a deux yeux, puis il parle. Il dit c'est... Puis il sent, à un moment donné, Sad, c'était. Comment je pourrais dire ça d'une manière. Il avait vu qu'il y avait un toit à quelque part et il a voulu s'introduire. Et la scène d'après, tu vois le phallus avec un petit bandeau ici, c'était fait mal. Puis là, il s'en va parce que Sad, il dit tu es impur, puis je veux plus te voir. Puis donc, c'est le sexe, il rejette le sexe, son sexe. Puis tu vois que le phallus s'en va. Et les gens ne savaient pas s'ils devaient rire. Oui, c'est un très beau film des années 90. Ça s'écrit comment? S-A-D-E? Ben oui, Sad. Comme le marquis de Sad. Ouais, exactement. D'accord. Mais c'est lui. Ah oui, d'accord. Mais c'est un chien. La tête d'un chien, tu vois son phallus. Mais c'est pas cochon, c'est pas porno, c'est. Oui, ah ben non, phallus qui parle. C'est très très bon. D'accord. C'est vraiment. Mais c'est pas en bande dessinée, hein? Ouais. Ok. Je regarderai ça. Mais c'est difficile. Je sais pas si. J'essayais de regarder ça sur internet à un moment donné. Si tu étais une saison, si tu étais un membre corporel, si tu étais un autre. Oui, c'est un moment de la journée. Un moment de la journée, alors ça je sais très bien. Je serais le soir. Quand la lumière baisse et commence à changer, et sur la mer justement. Entre chez vous, là. Ouais, la mer change de couleur à ce moment-là. Elle peut. Ça, c'est vrai. Elle prend des couleurs, ça peut être de l'or et c'est un peu bleu, vert. C'est sûr. Putain, la lumière de la fin de journée, vrai. C'est tellement beau. Et puis, c'est. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui se bonifie en vieillissant. Tu vois, comme le bon vin. Ouais. Ah. J'ai commencé un peu de façon erratique, mais la fin de journée, je trouve ça tellement beau. Quand l'être humain, il pose les armes. C'est vrai. Tu vois, qui dit, bon voilà, on en s'est tous bataillés. Mais toi, si c'est pas ton cas, dans la fin de la journée, ça commence, toi. Ah, c'est vrai. Ah, ben, c'est le moment que je préfère, tu vois. Ben, voilà. Tu m'as donné la réponse. Si tu étais un autre individu. Un autre individu? Ah! Ah! Alors ça, c'est une très très bonne question. Si j'étais un autre individu, je pense que j'ai déjà été 1000 autres individus. En étant comédienne aussi. Déjà aussi, ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'aimerais bien vivre quand même. Oh, quand on y passe mieux, hein, ouais. Peut-être pas. J'allais dire une journée, une journée, ouais. De danseuse étoile. Oh. Mais je pense qu'elles doivent en chier leur race, ça doit être l'enfer. Puis ça même, elles ont la pression de tout le monde, ouais. Il y a une telle... Alors pas... Tu vois? Pas vraiment. Ouais, non, je pense que maintenant, ça, je crois que je non, suis après sortie y avoir de... Pensé, non, après y avoir repensé, non. Elle est tellement... Hein. Ouais. En fait, je avec mon chéri, on élève son fils, que j'adore. Et quel âge? Il a 10 ans. Ah, c'est bon. Il a 10 ans. Okay. Et, mais j'ai pas d'enfant à moi. Ok. Tu vois? Okay. Ah ouais, enfin. Alors peut-être que j'aimerais un jour savoir ce que c'est de... Voilà. Être enceinte. Non, d'avoir mon enfant. Mais je pense accoucher que... aussi, de sentir comment c'est toutes les 9 mois, puis... Non, c'est pas ça, non. Okay, c'est plus avoir ton enfant et l'élever et dire que c'est... Ouais, je pense que ce que je vis avec mon beau-fils, c'est exactement la même chose. Mais juste, ouais, j'aimerais savoir ce que c'est, d'avoir son enfant avec maman, biologique. Avec maman, bonjour maman. Ouais. Voilà. À choisir, est-ce que tu fais la même chose? Ah, en tout cas, oui, en tout cas, j'arriverai là où j'en suis. Ouais, putain, c'est clair. En allant aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est clair. Alors après, le côté ingénieur, là, par contre, je le referai pas deux fois. Hein. Ok. Ouais, non, alors ça, tu modifierais peut-être ça. Mais tu vois, si j'avais pas fait ça, je serais pas allé aux États-Unis. Ouais, pour enseigner, puis oui, tu effectivement. Vois? Effectivement. Et là, comment ça va se passer ce soir? Avez-vous déjà. Ce soir, putain, on va pleurer. Merci. Beaucoup. Ouais. On va pleurer beaucoup. Allez-vous aller sur une terrasse. Oui, oui, après, il y a une fête qui est organisée. Après, okay. Ouais, il y a une fête qui est organisée. Mais c'est une fête pour. Une renaissance aussi peut-être parce que la pièce sera pas toujours. Peut-être qu'elle partira en tournée. Avec vous? Ouais, on espère. Avec l'équipe. Ouais, normalement, ouais. Et ça va se signer bientôt? Ben, on a rendez-vous ce soir à 17h avec le producteur. Ah, alors c'est ce soir que vous allez savoir? Ouais, ouais, ouais. Alors ça ne pleurera pas longtemps si c'est renouvelé? Ouais, ouais, ouais. Est-ce une belle salle? Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, sublime. Les gens sont gagnés d'avance, hein? Ah, tu sais, c'est pas si évident que ça, hein? Il faut conquérir le public à chaque fois. Ah, oui, oui, oui, oui. Et ça, c'est une pièce avec entracte? Oui, complètement, oui, oui. Oui, oui, c'est 2h30 en tout, tu vois, il y a l'entracte de 20 minutes, Et qu'est-ce qui se passe à l'entracte? Vous vous relaxez un peu? Alors, à l'entracte, on se change pour le deuxième acte. Okay. Mais de toute façon, on dit des conneries tout le temps, on rigole tout le temps, on se remaquille, on se recoiffe, on change de perruque, on se prépare. Le texte a été modifié sans doute avec le nombre d'années. Il est plus concis ou... Alors, on a coupé. Bon, déjà, il y a du chant et de la danse parce que c'est une forme narrative de comédie musicale. Ouais. Et puis, avec beaucoup de tubes, ça, on a une chance inouïe. Et puis, le texte est assez fidèle au film, en fait. Hein. La musique, c'est une trame sonore? Ouais, okay. Ben, alors oui, la musique, il n'y a pas de musicien sur scène. Okay. Bon, ça, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et puis, tout est chanté live. On a des chanteurs, des chanteuses extraordinaires. Pousse-tu la note? Moi, je chante un peu, mais je suis pas une chanteuse comme elle. Moi, je chante sur scène, là, dans mon personnage. Je chante une chanson, mais c'est dans mon personnage, c'est en tant qu'actrice. Okay. Mais là, il y a des chanteuses, mon vieux, c'est... Ah oui? Est-ce que c'est traduit en français, les chansons? Non, surtout pas, surtout pas. C'est des Françaises qui chantent ou... Il y a une Canadienne. Ah oui? Ouais, il y a une Canadienne. De? Kanya Ala. Je sais Québec pas d'où, ou... je sais non, pas non, d'où non. Elle est. Ah, ok. Enfin, en tout cas, elle parle français. Est-ce qu'elle parle français? Oui, elle parle français, elle est québécoise. Ouais, c'est une Québécoise. Ok. C'est ça la différence, hein? Oui, oui, oui. Ok, bon, je me lancerai pas là-dedans. Ok, parfait. Et sinon, ouais, tout le monde est français, ouais. Ouais. Et puis ça a été une aventure extraordinaire. Ouais. C'est As-tu des projets à venir malgré tout? Ben écoute, oui, je dois mettre en scène 3 autres chanteuses qui ont écrit un spectacle. Ça, c'est un spectacle, les 3 chanteuses, c'est un spectacle. Ouais, c'est un spectacle. Il y a une compagnie de hip-hop aussi, de danseurs hip-hop, que je coach de temps en temps. Et comment tu te reconnais dans les hip-hop? Ah, j'adore ça, moi. Ah oui? Ah, j'adore. J'adore. Ah. Ah ouais, j'adore. Ah ouais, c'est dans le sol, c'est... Mais tu peux pas prendre un contrat si tu ne crois pas. Tu peux pas te joindre à des gens si tu ne crois pas. Écoute, j'ai de la chance. Pour l'instant, j'ai jamais eu à faire ça. OK. J'ai jamais eu à faire des trucs que j'aimais pas ou dans lesquels je croyais pas. C'est vraiment une chance. Tu vois, c'est... Mais ça roule pour toi, ça n'a aucun bon sens. Écoute, il y a eu des moments un peu compliqués, mais qui m'ont obligé à aller chercher au fond de moi. Ouais. Et ça roule bien, ouais. Oui. C'est vrai, ça roule très bien. Non, mais je suis bénie. Là, t'as des projets. Merci tout le monde, merci l'univers, merci les anciens, merci. Tu sais, après au bout d'un moment, t'es protégé, tu vois, tous les gens qui s'en vont. Ils sont là tout le temps. Mais quand tu finis quelque chose, as-tu le trac de dire qu'est-ce qu'il va y avoir après? Ah, complètement. La peur, l'angoisse. Ah oui, bien sûr. Mais ce soir, ça risque d'être un peu moins pire si c'est renouvelé. Puis en plus, t'as déjà des petits contrats avec tes... Puis ce qui est étonnant, c'est que j'ai peur avant que ça se termine. Quand j'anticipe, je me dis, oh là là, comment je vais faire? Et puis une fois que c'est là, je me dis, ok, super, allez, on fait ci, on fait ça. Enfin, la peur est plus grande que la réalité, en fait, que l'obstacle en lui-même. Mais j'ai peur avant que ça se termine. Donc là, j'avais peur pendant le mois qui est passé. Là, j'ai vachement angoissé, cogité et tout. Là, maintenant, ça y est, c'est ce soir, allez, on y va, on fonce. Mais là, le plus difficile, ce sera de ne plus monter sur scène. C'est ça qui est drôle, c'est que tu sais pas quand est-ce que tu vas remonter la prochaine fois. Alors, tu sais, le rituel sera plus là, les copains seront plus là. Ça, c'est sûr. Peut-être que ça va être plus difficile pour ton copain parce que l'humeur va peut-être changer, être motivé. C'est sûr, c'est sûr. Et si je veux remonter sur scène? Tu sais pas quand, et peut-être que je remonterai plus sur scène, peut-être que je vais remonter sur scène, peut-être demain, peut-être dans un mois, peut-être, je sais pas. Ou peut-être que tu vas faire monter d'autres personnes sur scène. Ah oui, bien sûr. Parce que là, t'as un œil plus aguerri. Ouais. Là, je pars à Avignon, au Festival d'Avignon, justement avec la compagnie de hip-hop, juste une journée, mais... Quand? Mercredi prochain. Oh. Ouais. Pour les coacher, pour l'interprétation, et puis pour l'esprit d'équipe aussi. Toi, tu restes combien de temps? Avignon? Ouais. Non, je reste juste une journée. Aller-retour. Ouais. Et après, parce qu'à Paris, là, je fais une formation à Paris, que je suis en tant qu'élève. Une formation de? De théâtre physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le théâtre physique, c'est le théâtre sans les mots. Ok, avec le corps. Avec le corps, voilà, c'est ça. Ah, c'est bien. Ouais. Et pourquoi tu veux prendre ce cours-là? Parce que l'école est très réputée. Okay. Et ça fait des années que je veux travailler avec eux. Et j'ai jamais eu l'occasion de le faire, et puis là j'ai l'occasion. Putain, regarde, ça s'ouvre. C'est t'as vu bien. Un peu? T'as vu? Oh, ouais. T'as vu d'un coup? C'est ça, c'est de la magie. Non, c'est cool. C'est de la magie, ça s'ouvre, tu vois. Oh, le monde s'agrandit, tu vois. Exactement. C'est ça. Le monde nous appartient. C'est et ça. Puis, c'est combien de temps ce genre? Ça, c'est une semaine là. Okay. Une semaine tous les jours. Et tu sors de là avec un certificat, avec quelque chose? Nous en France, ouais, en France, il n'y a pas de diplôme artistique, il n'y a pas de diplôme artistique. Okay. C'est au moins pour toi. C'est que pour moi. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas aller chercher? Ouais, je te dis, je veux continuer à travailler sur l'expression par le corps, l'expression des personnages, créer des personnages par le corps. Et c'est un stage sur l'écriture aussi. Alors justement, je vais vraiment découvrir ce que c'est. À la fois sur le travail du corps et le travail de l'écriture. Okay. Alors comme en ce moment j'écris et j'ai envie de travailler sur le corps, c'est parfait. Mais... ça va peut-être aller en corrélation avec... Et je pense que je vais trouver des trucs que je savais pas que je cherchais, tu vois. Ah ouais. Oh, je vais arriver là-bas et je vais dire « Ah putain, c'était pour ça que je suis venue. » Mais là, tout de suite, je sais pas ce que je vais trouver. Ah ouais. Ouais. Et puis des vacances, c'est pour quand? Ouais, au mois d'août, ouais. Deux semaines? Fin juillet. Fin juillet, on va partir en vacances. Combien de temps? Et puis, je pense 15 jours. Mais pour l'instant, j'ai rien prévu encore. Mais as-tu hâte de prendre des vacances? Ouais. Parce que la fatigue... Oui. L'avez-vous, en tout cas partout, vous l'avez joué combien de fois? 140 fois. 140? Alors, vous connaissez... Est-ce que vous, des fois, vous connaissez ça par cœur? Jouer des tours pour vous faire réagir sur le dialogue? Ce soir, non, d'habitude, on est trop, que c'est une machinerie, hein, tu sais, il y a le mec qui donne les tops pour le son, pour la lumière, pour la vidéo, le bus qui rentre, qui tourne et tout, pas déconner, non. Est-ce que ça arrive que ça fonctionne moins bien? Il y a des salles, des fois, qui sont plus froides. Non, mais les techniques, des fois, fonctionnent pas. Oh, c'est rarissime, il y a des petites choses. Nous, on le sait. Donc, en plus, moi, comme je suis assistante à la mise en scène, tous les soirs, je regarde. Quand je joue pas, on a des retours, on a des écrans où on voit ce qui se passe de face, tu vois. Donc je regarde tout. Donc tous les soirs, on fait une réunion technique, tous les soirs. Pour améliorer à chaque spectacle. Ouais, pour dire attention, là, le truc, il n'est pas rentré, le bus, il s'est pas ouvert, la fumée, elle n'est pas arrivée, le son, machin, et tout ça. Bon, tous les soirs, on fait une réunion technique, quoi. Et donc, peut-être en tournée? Peut-être en tournée. Peut-être même au Québec? J'aimerais. Ouais, mais alors, c'est gros, non, alors, c'est gros. Non, c'est pas ça. C'est que les Canadiens, ils sont trop protectionnistes. Non, mais... les Québécois ou les non-Québécois. Okay. En tant que Français, tu peux pas les bosser là-bas. Ouais. Ah mais ils prennent la compagnie, enfin ils prennent le spectacle, mais ils prennent pas les artistes. Ah, c'est vrai. Non, syndicat et tout, non. Ah c'est vrai. Non. L'union putain, c'est. Ah ouais, c'est super dur. Ah, ouais. C'est très dur. C'est comme les traductions. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah, il y a une autre traduction pour le Québec? Il y a une traduction québécoise pour un film américain, une traduction française pour faire vivre nos comédiens québécois. C'est bien. Donc, même le titre est quoi? Et toi, t'es Québécois pur souche. Ah ouais. Et tu revendiques le Québec. Ah oui. C'est vrai? Tu veux le libérer de quoi? Mais des Anglais. Eh oui. Des Anglais. Mais l'intérêt pour le film, c'est vrai, voyons. Hey, on est noyé par les Anglais. C'est vrai. Donc, il faut se battre. Mais pour ce qui est des films, le titre souvent d'un film états-unien ne sera pas le même en France qu'ici. Le jour de la marmotte, ici, c'est pas la même chose. Nous, ici, c'est le jour de la marmotte. Non, c'est chez nous, le jour de la marmotte. Eh ben, en France aussi. Vous, c'est le dernier jour, le premier. Attends. Oui, le show de la marmotte. Greyhound Day, en anglais, non, c'est ça. Non, c'est au clock, là, il y a clock là-dedans, avec Billy... Oui, bonjour, c'est le jour de la marmotte. Oui, c'est sûr. Ça. Le titre, c'est pas le jour de la marmotte. Ah, putain. Non, c'est... peut-être c'est le jour répétitif ou le jour qui... Le jour sans fin. Un jour sans fin, t'as raison. C'est le jour de la marmotte. Ah oui, t'as raison. Voilà, les titres, des fois, sont... C'est vrai. Qu'est-ce qu'il est drôle, ce film. Oui, c'est drôle, mais... Il est génial. Sublime. Intéressant. Et puis surtout, moi, si on m'avait dit, si un jour tu viens, tu me dis, voilà, j'ai l'idée d'un film, ouais. Tous les jours, il va se passer la même chose. Je te dirais, super. Ça marchera jamais. Ouais. Tu oublies tout de suite. Tu vois, là, putain, la force des gens qui croient à leurs idées, quoi. Exactement. Tu te dis, si, je t'assure, on va faire un film, tous les jours, ce sera le même jour. Non, mais quand tu commences à raconter pourquoi c'est le même jour, là, tout change. Là. C'est sûr que si on fait un dialogue à la Woody Allen, puis on le reprend. Woody Allen, j'adore Woody Allen. Oui, oui, Woody Allen. On adore tous Woody Allen. Non, oui, mais qui n'aime pas Woody Allen. Peut-être lui-même. C'est bon, ça. Ça ne surprendrait pas. Oh, ça, c'est sûr. Parce qu'il est toujours en thérapie, ce bonhomme-là. Hein. C'est un angoissé. Oui. Ben, ça fait que ses œuvres sont extraordinaires. Un gars équilibré, ça ne doit pas donner grand-chose d'intéressant en création. Il faut déjà avoir quelque chose qui va pas pour écrire. À mon avis, ça doit être ça. Hey, merci d'être passé à mon émission. Ben, merci à toi. Merci. Écoute, on devait se rencontrer, mais il y a eu des petits problèmes techniques. Les choses se font toujours au bon moment, au bon endroit, à la bonne heure. Il faut savoir patienter. Ouais. Et ton émission, alors, parce que du coup, j'ai regardé ton émission. Ah oui, moi, en fait, c'est sur CKRL. Ouais. Je vois ça. Qui est la première radio communautaire francophone au monde. D'accord, bravo. Alors, mais l'intérêt, c'est pas juste ça. C'est que nous, on est nés en 74. D'accord. On est arrivé en France, en Suisse et en Belgique avec notre savoir-faire. Et la naissance de ce qu'on a montré aux techniciens ont donné des radios comme Radio Libertaire, les Supernana, les Carbone 14, les Lafesse. Toute la radio éclatée. C'est pas vrai. Oui, et bien voilà, je sais, tout le monde est là. C'est la radio éclatée. Libre, la radio qui s'émancipe et il n'y a aucun contingentement, il n'y a aucune censure. Ouais. Donc c'est KRL est la première au monde. C'est génial. Bravo. Oui, merci. On s'applaudit. Et donc, nous c'est né en 74, vous c'est né en 81. Ben oui, c'est ça, oui. Nous c'est 81. Ouais. Et après ça, Coluche a mis son grain de sel, ça a fait des émissions extraordinaires. Ouais. C'était la liberté. Ben oui, je me rappelle, c'était l'hystérie. Et Super Nana, c'était merveilleux. Mais oui, on était en folie. Hein. Exactement, exactement. Moi j'étais encore un peu petite quand même, mais. C'était génial. Super Nana, je pense que ça s'est terminé en 92-93. Ouais. Puis elle est morte il y a à peu près 8 ans. Ouais. Mais. Quelle radio. Vraiment, c'était une. Des radios qui explosaient. Et donc, ça vient du Québec, c'est pour ça. Bravo. Alors, attends, je vais noter les films là, dont tu m'as parlé. Ah oui. Tu m'as dit Sad. Pardon? Sad. Ah oui, Sad, oui. Je vais noter juste le titre. Moi, je mettrais Sad, film belge. D'accord. Sur Gago. Thank you. je vis en chimérique. La différence, c'est ce silence parfois au fond de moi. Tu n'es pas toujours la plus belle et je te reste infidèle, mais qui peut dire l'avenir de nos souvenirs? Oui, j'ai le mal de toi. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.